La cloche par Jean de Lavrette. Elle sonne. Pendant que par un beau jour d'avril, la vieille voiture de famille passe au milieu déjeuner en fleurs et conduit les fiancés à l'église du village. L'air est léger et calme, les sons le traversent gaiement, puis se perdent loin dans un long murmure. La jeune fille écoute et, dans la confusion de ses sentiments joyeux, découvre une impression inquiète qu'elle ne peut définir. Elle la voit fuir dans l'espace inconnu où vont s'évanouir les sons qui chantent d'abord joyeusement, pour s'éteindre ensuite dans une vague mélancolie. Elle sonne, et la fiancée agenouillée dans ses voiles songe en l'écoutant au serment qui, la liant pour toujours, conduit sa pensée vers les grands horizons immortels. Et quand elle sort, appuyée au bras de son mari, qu'elle passe au milieu d'un paysage familier, les sons la suivent, caressent les genêts fleuris, et disparaissent pour reprendre plus loin une voix plus voilée. Mais, atténuée, la voix chante encore les tendresses promises et les devoirs éternels. Désormais, quand la jeune femme les entendra dans le grand silence des champs, elle verra le beau jour d'avril qui a été pour elle le seuil d'une existence nouvelle. Un an plus tard, la cloche sonne encore. Son carillon est vif et joyeux. À sa voix, le village entier est accouru, afin d'accueillir par des sourires le petit enfant qui, pour la première fois, passe au milieu des genêts fleuris. Comme l'année précédente, l'air est léger, le printemps s'éveille et salue la jeune vie fragile qui entre à l'église pour être enchaînée par des anneaux invisibles à la vie qui ne finit pas. La jeune mère écoute les sons qui s'associent de nouveau aux émotions profondes de son âme et songe qu'elle les aime. Ils lui disent que toujours, ils participeront à ses joies, car elle croit aux joies et ne pense point au chagrin. Quand elle regarde son fils, déjà, elle le voit qui grandit heureux et s'avance vers un avenir brillant. Protégé par l'amour de sa mère, il ignore la douleur, le mal, il est bon et traverse la vie sans être touché par elle. Au milieu de ces doux rêves absorbants, le petit enfant inconscient est emporté par les sentiers qu'il aimera un jour et le carillon qui tint au loin l'accompagne joyeusement. Quelque temps après, elle sonne encore, mais le carillon est muet. Un son grave plane sur la tombe où repose le premier-né. Il dort parmi les œillets parfumés et les frais buissons. La mère pleure, mais la voix grave calme sa douleur en l'entraînant dans l'espace inconnu où elle sait que son fils est heureux. Elle se relève, apaisée, et les sons qui la suivent s'épandent dans la campagne avec un accent profond qui courbe un front soumis et adoucit une douleur amère. Depuis, de jeunes vies ont remplacé la première, et à leur apparition, le carillon a retenti joyeux et a passé sans souci sur la tombe oubliée. Mais la mère ne l'a pas entendu, sans qu'à ses joies nouvelles vint se mêler le souvenir d'un premier chagrin. Désormais, le bonheur que rappellent les sons aimés sera tempéré par un souvenir et un grave avertissement. C'est la vie entière, enfant, avec ses sentiments vifs, doux et profonds, qui passe devant moi, quand la cloche retentit, et que vous l'écoutez sans savoir que savoir renferme l'histoire de votre aïeul, et que cette histoire sera la vôtre. Elle sonne quand mes enfants, vêtus de blanc, traversent, recueillis, les sentiers connus, pour aller accomplir le premier grand acte qui engage leur responsabilité. Les prés que nous suivons sont remplis de hautes pâquerettes. Il s'en dégage un parfum très pur de printemps. Les sons parcourent les rembaumés. Il semble que leur appel n'a jamais été plus doux, ni leurs notes plus sereines. Elles sonnent, quand ma fille s'agenouille devant l'autel pour commencer la vie. La voix chère me paraît avoir les accents d'un secret souci et d'une émotion inquiète que je n'ai jamais connue pour moi. Sera-t-elle heureuse? Me dit-elle. Et à cette question troublante, mon cœur défaille et s'unit au son pour murmurer une supplication. Elle sonne dans la paix du soir pendant que, restés seuls, nos enfants partis depuis longtemps, nous rêvons, assis, la main dans la main, et songeons à la vie qui a passé dans la tranquillité d'une union parfaite. Que disent ces sons qui arrivent doux et voilés jusqu'à nous? Quoi, se peut-il? Le soir est arrivé, nous marchons rapidement vers le terme inévitable. Alors, nous leur répondons. Et pourtant, la vie n'a pas changé. Les oiseaux travaillent à leur nid, les abeilles s'aiment, les fleurs s'entr'ouvrent et notre cœur est jeune. Mais il répète, avec une douceur qui nous pénètre d'émotion, que le ruisseau a suivi son cours et approche du lieu où il doit rejoindre le grand courant. Elle sonne, quand par une belle matinée, semblable à celle qui m'a vu passer rêveuse il y a 50 ans, je m'en vais auprès d'une source solitaire qui dort au milieu d'un tapis de thym et de centaurée. C'est la même fleur délicate, ce sont les mêmes asphodèles aux grandes tiges. Un demi-siècle plus tôt, la source charmante a dit à la jeune fille que le secret de la vie c'était l'amour. Et la vieille femme songe avec émotion que la source ne l'a pas trompée. Amour de femme, de mère et d'aïeul, elle a connu la douceur de toutes les tendresses. C'est ce qui lui rappelle les sons de l'Angélus qui parviennent dans cette solitude. Une fois encore, et comme toujours, les sons chéris s'unissent par des relations secrètes à ses sentiments les plus intimes et lui disent « Demande aujourd'hui quel est le secret de la vie. » Et lorsqu'elle penche son vieux visage vers la source, elle entend « Ce secret, c'est encore l'amour. » La source a raison. L'amour parfume les années d'hiver de l'arôme délicat qui s'échappe des longues années écoulées. Puis, dans les sons qui meurent sous les arbres, il se révèle agrandi, sans fin. Les sons disent qu'il s'ouvrira bientôt à l'éternelle jeunesse de l'avenir. Dans l'accord parfait qui vibre et s'éteint dans l'air matinal, il y a toute l'harmonie de la vie. Profonde harmonie dont la vieille femme, qui contemple, a connu les doux commencements en attendant que les accords s'achèvent, pas du passage de la vie. Elle sonne encore, mais je ne l'entends plus. C'est vous, enfant charmant, qui l'écoutez en me conduisant sous les vieux ifs. Vous pleurez peut-être devant la voix sévère, mais ne craignez rien, elle s'adoucira. La pierre est scellée, et déjà de nouveaux sons emportent votre pensée loin des cyprès centenaires et de l'ombre qu'ils jettent sur un dernier souvenir. C'était La cloche par Jean de Labrette.